Thank you. est la joie? Qu'est-ce qui est la loi? Comment emprunter? Comment lutter? Comment ça va toi? D'ailleurs tu viens quoi? Je me sens pas du tout quand j'entends des putains. C'est juste de manger pour pouvoir croire. Car tu sais quoi, tu n'as que le de psycho. Regarde ce bras, les vents plus beaux, la tête des chicots. Tu n'es plus bigo, tu penses c'est moi dominé. Va donc jouer contre le bigo avec tes cheveux de bain. Tu n'es qu'un minou, titi et moi combiné. Quand même au nouvel jeu, mon frère, moi saute de poignet. Thank you. des âmes, que ça nous a rendu plus

La tête d'une nuit bonheur dans la glace. J'ai chanté tout ça en déconnant. mon défi, mais je suis pris, c'est la poigne, contre mon petit moment, c'est la chale. C'est magique, mais j'en vois de toutes les couleurs, je sais de ta critique, je m'applique. Tu pars avant 10h, je pars réflépatique, mais ça pique à l'intérieur. Tu veux que je te cours après, hors de question, je vois pour ça prie, tu sais. Les marathons vont en passer des bons moments, ils resteront d'autres, mais c'est seul. Temporairement, je veux pas la femme d'un autre, j'ai trop d'estime pour la personne. Et pour les femmes fragiles, pour que l'amour que je donne reste pertinent. L'espérance que je suis ne crois pas aux causes. souffler, dans les pigés, dans les idées, tu m'as guérité. Trois milités, je sais pas, dessiner, si je m'y mets, tu vas halluciner. Chez moi, c'est qu'il est si missimissé, yo. Depuis le lycée, yo, on va y voir les cibles avec les yeux plissés, yo. On va laisser passer les passer les cloches, les places, au fond de la classe, et on sait, c'est prévu pour tous. Je veux éviter les phrases, éviter les singes, je vous dis, roseau, lisez, roseau, visibiliser entre les pages, après les marges, le savon, le tunnage, je suis barge, moi je vais l'utiliser. Sur cette démocratie où la raison du peuple n'existe plus. C'est trop facile de dire que le peuple décide où je vais pouvoir m'adonner, de voter, de l'exil. C'est facile de perdre espoir, de demander des impôts, du pouvoir, parce qu'il est des impôts. Pour moi, qui est des impôts, on va s'en sortir sans écouter. C'est déjà un peu, c'est un peu notre. Mais là, quand je m'exprime, c'est des mots dans le monde. Thank you.